Mwen pa blan ou mwen pa noa, tal pa mwen si moun l'istwa. To ti kavyam malouba, mwen nasyon ban fan bata. To ti kavyam malouba, mwen nasyon ban fan bata. Si tu veux, à cet atoué, si tu veux, ton blanchité, gagne à toi, si tu veux, à cet atoué, si tu veux, ton francité, quand même là, pas besoin de router, à moins faible mon qualité, si t'es bordé coup la terre, somme toute mon batacité. Na na na na na. tatoué si tu veux. Pion tatoué si tu veux. Joli cousin. Roule à tête si tu veux. Pion tatoué si tu veux. Joli français. En moi, m'la pas besoin rouler. En moi, donne mon petit magonier. Mais gagne mon maloya, mon c'est cabaret. En moi, m'la pas besoin rouler. En moi, donne mon petit magonier. Mais gagne mon maloya, mon algon cabaret. Maloya, mon c'est cabaret. Amiga, chamo Maloya, mon